المسألة الرابعة الحقوق الزوجية. إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين، وهي يعني إذا صار عقد النكاح وتزوج الرجل هذه المرأة، من الآن عليه حقوق أو له حقوق ولها حقوق، وعليه واجبات وعليها واجبات نحو زوجها، يعني العقد يترتب عليه يعني ينتج منه حقوق لكل من الزوجين، حقوق وواجبات. أولا حقوق الزوجة، للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة، وتفصيل ذلك على النحو التالي. أولا يعني الآن يذكر هذه الحقوق بالتفصيل. أولا المهر، وهو حق للزوجة على زوجها لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها، والدرس الماضي كان تقريبا كله في المهر فلا نعيد الكلام، لكن الآن نترجم من أجل الأخت زوجة أحمد. دونك la quatrième question maintenant c'est les droits des époux, les droits conjugaux comme ils disent. Donc lorsque l'acte de mariage se fait et qu'il est valable, il entraîne des droits de l'époux et des droits de l'épouse, et également des devoirs chez l'époux et chez l'épouse. C'est-à-dire que chacun des deux désormais va avoir des devoirs et des droits vis-à-vis de l'autre. Donc la femme, premièrement, a des droits sur son époux, des droits matériels et des droits abstraits. Donc premièrement, dans les droits matériels, il y a al-mahr, c'est-à-dire la dot. Et le cours passé, c'était complètement presque sur la dot. On ne va pas tout répéter. Simplement, le verset dit « Et donner aux femmes leur dot comme un nihlatan », c'est-à-dire comme un cadeau. Ça, c'est dans la sourate An-Nisa. « Thaniyan, al-nafaqa wal-kiswa wal-sukna » فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فقوله سبحانه وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم هذا في المهر وكذلك في النفقات، فالرجال قوامون على النساء مسؤولون عليهن، فللزوجة على زوجها حق السكن والكسوة والطعام بالمعروف كما سيأتي. ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. وما معنى إذا اكتسيت؟ أن إذا حصلت ملابس فكذلك أنت تحصلها وتعطيها ملابس. وهذا الحديث في سنن أبي داود. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذن على الزوج أن يطعم زوجته. ما معنى بالمعروف؟ يعني هل يكفي أن يعطيها مثلا وجبة واحدة في اليوم؟ نعم، لكن قولنا بالمعروف يقتضي أكثر من ذلك. ليس المراد أن يبقيها فقط، أن يطعمها بمعنى أن يبقيها حية، لا، المراد بالمعروف يعني بحسب الوقت الذي يعيش فيه وبحسب البلد، يعني عرف البلد الذي يعيش فيه، هذا معنى المعروف، أن يطعمها من الحلال وبحسب العرف وعرف البلد والزمان الذي يعيش فيه. زماننا هذا عرفه في الطعام والكسوة ليس مثل ما سبق قبل 100 سنة مثلا، والعرف في مكاننا هذا ليس هو العرف في المغرب أو في، بل المغرب قريب، العرف بالنسبة للكسوة والطعام مع المغرب قريب، لكن بلاد أخرى وبعيدة نوع الطعام يختلف والكمية تختلف، فهذه مسألة عرف ترجع إلى العرف. وأنا عرفت بعض الإخوة ملتزمين ولكن لا يفقهون، يطعم زوجته مثلا مرتين في اليوم من الرز فقط بدون إدام بدون لحم بدون شيء، ويقول حقها علي أن أطعمها أنا أطعمتها، هذا كلام فاضي، هذا كلام فارغ، لم يفهم أن حق الزوجة الإطعام، نعم، ولكن هل الإطعام بمعنى أن تبقيها فقط؟ لا، الإطعام بالمعروف، والمعروف عندنا أن يكون مع الرز شيء من اللحم أو فواكه أو أشياء أخرى أو خضروات وغير ذلك، فالمقصود ليس فقط الإطعام، لكن المقصود الإطعام بالمعروف. ونفس الكلام في الكسوة، أن تكسوها إذا اكتسيت، يعني ليس الحال أن يكون لك ملابس ما شاء الله فاخرة وكثيرة وجميلة وأنت تشتري لها عباءتين فقط من أجل أنها إذا غسلت إحداهما تلبس الأخرى، هذا كذلك ظلم، هذا ليس معاملة بالمعروف. فهذا الكلام، هذا القيد بالمعروف مهم جدا، والمعروف هو الحلال الطيب الذي تعارف عليه الناس في زمن ما أو مكان ما. Donc ensuite ils ont cité النفقة والكسوة والسكنة، c'est-à-dire les dépenses et les vêtements et l'habitation. Donc l'homme doit obligatoirement procurer à sa femme ces choses-là, une habitation et des vêtements et de la nourriture. Donc ils ont cité ici plusieurs versets, comme le verset qui dit les hommes sont responsables sur les femmes, car Allah les a favorisés les uns sur les autres, et à cause de ce qu'ils dépensent de leurs biens. À cause de ce qu'ils dépensent de leurs biens, c'est-à-dire notamment la dot que les hommes dépensent, mais aussi les dépenses qu'ils font alors que les femmes n'ont pas à dépenser dans le foyer. Ça, c'est dans la sourate An-Nisa. Et aussi le hadith où Muawiyah al-Qushayri a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le droit de l'épouse, et il lui a dit c'est que tu la nourrisses quand tu te nourris et que tu l'habilles quand tu t'habilles. Et dans une khutbah, dans un discours, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans, et leurs droits, c'est-à-dire les droits des femmes sur vous, c'est que vous leur donniez à manger et que vous leur donniez des vêtements bil ma'ruf. Bil ma'ruf, c'est-à-dire plus ou moins, on va traduire par convenablement. Donc on voit ici que l'obligation de l'habitation, de la nourriture et des vêtements, elle incombe à l'homme. Donc l'homme en aucun cas n'a le droit d'imposer à sa femme de ramener une de ces trois choses-là. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes y font maintenant. Ils obligent leur femme à travailler pour ramener par exemple à manger, etc. Alors que lui déjà il ramène. Donc il va lui se reposer et laisser sa femme travailler pour payer le loyer ou payer à manger, etc. Donc quand il fait ça, en vérité, il aura pris un droit parmi les droits de sa femme. Et c'est du vol, c'est de l'injustice. Aussi, il faut comprendre que tout ce qu'on vient de citer ici, c'est conditionné par al-ma'ruf, c'est-à-dire convenablement. Al-ma'ruf, c'est tout ce qui est premièrement halal, qui a été déclaré comme étant bon dans la religion, et aussi ce qui suit les coutumes des gens, c'est-à-dire les habitudes des gens. Et les habitudes, elles peuvent être différentes d'un endroit à un autre et d'une époque à une autre. Donc par exemple, la façon dont les gens ont l'habitude de manger à notre endroit, là où on vit nous, à notre époque, n'est pas la même que dans un pays lointain ou dans une autre époque. Donc ce qui est voulu, c'est pas simplement de lui donner à manger pour la faire survivre, c'est pas ça qui est voulu. C'est de lui donner à manger bil ma'ruf, c'est-à-dire convenablement. Que ce soit de la nourriture halal et que ce soit de la nourriture qui est convenable par rapport à ce dont les gens ont l'habitude dans le pays où on vit, dans l'époque où on vit. Donc par exemple, il y a des jeunes parfois, ils ne comprennent pas cette chose-là, ils disent « Moi je vais donner à manger, elle n'a pas faim, ça suffit, j'ai fait mon devoir. » Ou alors je lui ai acheté deux robes, quand elle en lave une, elle peut mettre l'autre. Ça y est, j'ai fait mon devoir. Mais ce n'est pas ça le ma'ruf. Le ma'ruf, c'est de le faire bien et de le faire convenablement. Et par exemple, si une personne donne deux assiettes de riz par jour à sa femme sans rien avec, certes, elle ne va pas mourir, il lui aura donné à manger, mais il ne l'aura pas fait bil ma'ruf. Il ne l'aura pas fait convenablement. Parce que ce qui est convenable et ce qui est habituel chez les gens, c'est qu'avec du riz, il y ait de la viande, il y ait de la sauce, il y ait des fruits, il y ait de la boisson, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste donner à manger pour pas qu'elle meure. Ou lui donner des vêtements pour pas qu'elle soit toute nue. C'est pas ça. C'est lui donner convenablement. Et aussi lui donner équitablement par rapport à toi-même. C'est pour ça que dans le hadith, il a dit « Tut'imuha idha ta'imt ». Tu lui donnes à manger quand tu manges. C'est-à-dire, et de façon équivalente à ce que toi tu manges. Et tu lui donnes de quoi s'habiller comme toi tu t'habilles. Donc la question n'est pas que la personne elle ait une grande garde-robe, une collection de chaussures et de vêtements, alors que sa femme il lui donne juste deux robes. Une qu'elle met et l'autre qu'elle lave. Et quand elle est usée, elle la met à laver, elle remet l'autre. C'est pas ça qui est voulu. C'est qu'elle le fasse de façon convenable et de façon équitable avec ce qu'elle fait pour elle-même. ثالثا إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعا للفتنة عنها لعموم قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني الجماع وهذا الحديث في صحيح مسلم يعني الحق الثالث من حقوق الزوجة الجماع يعني إعفاف الزوجة بالجماع لأن الزوج إذا لم يجامع زوجتها بحسب ما تحتاج إليه ربما سوف تميل إلى أشياء لا تحمد عقباها يعني إلى علاقات مع الرجال أو إلى الوقوع في الزنا وغير ذلك فضلا عن ما سبق يسبق ذلك من الضيق النفسي والمعاناة وغير ذلك فلذلك من حقوق الزوجة أن يعفها الرجل بالجماع ويراعيها ويراعي حاجتها بالجماع لمصلحتها هنا ذكروا هذه الآيات فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولكن هل يفهم من قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله الأمر الوجوب نقول يعني الذي يفهم أن الله عز وجل لما منع من جماع المرأة في حيضها قال بعد ذلك فإذا تطهرن يعني بعد حيضها فأتوهن فالمراد ليس هو الأمر ولكن المراد يعني هذا الذي يستفاد من الأمر بعد النهي في أصول الفقه هو بيان الحل والإباحة لأنه كان ممنوعا زمان الحيض وصار بعد الحيض مباحا من جديد فلذلك قال فأتوهن من حيث أمركم الله وكذلك قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم فهذا فيه صيغة أمر وصيغة الأمر تدل إما على الوجوب وإما على الاستحباب يعني أنه يستحب أو يؤمر الإنسان جملة بإتيان امرأته أن شئتم وبعض العلماء خاصة من المتفقهين ذكروا حدا لذلك وهذا في الحقيقة أحيانا فيه غرابة فبعضهم قالوا مثلا يجب عليه مرة واحدة في ستة أشهر وبعضهم قالوا يجب عليه مرة واحدة في السنة لكن مثل هذا الكلام غريب هل المرة في الستة الأشهر أو المرة في السنة هذا يعف الزوجة؟ لا أبدا فلذلك الأقرب أن نطلق كما أطلق الله سبحانه وتعالى لما قال وعاشروهن بالمعروف ومن المعاشرة بالمعروف الجماع في أوقات تتكرر كما هو المعتاد عند الناس ولا يحتاج إلى أن نذكر العدد يعني الناس يتعودون على هذه الأشياء لكن المهم أن الإنسان مهما تعب مثلا في عمله أو تعب لشغل أو له هموم أو غير ذلك يسعى في إعفاف زوجته في النكاح ولا يهملها في هذا الجانب حتى لا يتركها تبحث عن غيره. Ça, ça se dit pas, Allah a'alam. Ça se dit pas ces choses-là. On peut pas. C'est pas que justement, si on dit bin ma'ruf, c'est parce qu'il n'y a pas de. C'est pas précisé. Faut se marier, après tu sauras. Donc, troisièmement, ils disent c'est de préserver sa femme en ayant des rapports avec elle. Donc, pour la protéger et pour son avantage, parce que c'est ça qui est recherché dans le mariage. Et pour l'éloigner de la tentation. C'est-à-dire que si l'homme il fait pas attention à avoir suffisamment de rapport avec sa femme selon le besoin de sa femme, après elle peut pencher vers al-fitna, vers les autres hommes et vers l'adultère. Donc pour la protéger, et parce que c'est un des premiers buts dans le nikah, c'est ça, c'est d'assouvir ses besoins naturels, et bien l'homme il doit faire attention, comme on sait que la femme elle est ordonnée d'être disponible pour l'homme, mais l'homme aussi il doit faire attention d'assouvir les désirs de sa femme et les besoins de sa femme pour pas qu'elle soit tentée à l'adultère et à la fitna. Donc ils ont cité ici des versets dans ce sens, comme le verset qui dit lorsqu'elle se purifie, c'est-à-dire des règles, alors fa'touhunna, c'est-à-dire aller vers elle, dans le sens ayez des rapports avec elle là où Allah vous l'a ordonné. Mais en vérité ce verset on peut pas réellement en comprendre un ordre. Pourquoi? Parce que c'est un ordre après une interdiction. Et un ordre après une interdiction n'implique pas forcément un ordre. Ça, c'est une règle dans Usul al-Fiqh. C'est-à-dire quand Allah Azzawajal interdit quelque chose, et après il l'ordonne. Est-ce que ça veut dire que cette chose devient obligatoire ou recommandée? Non. Il l'ordonne simplement pour montrer qu'elle redevient licite. C'est comme dans le verset qui dit « فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا ». C'est-à-dire lorsque vous, pour les pèlerins, lorsque vous sortez de l'état de sacralisation, alors chassez. Est-ce que le mot chasser, istadou, ça veut dire que chaque pèlerin est obligé d'aller chasser? Non. C'est dans le sens istadou, yani jazalakum antastadou. Il vous est permis de chasser. Donc là, en réalité, c'est pareil. Lorsqu'elles sont pures, allez vers elles. C'est-à-dire que ça vous est de nouveau licite. Par contre, l'autre verset, il est plus clair. Le verset dit « Vos femmes sont un champ pour vous, alors allez à votre champ comme bon vous semble, un nashitum, c'est-à-dire comme bon vous semble et quand vous voulez. » Donc là, il y a un ordre dont on peut comprendre l'obligation de façon générale et la recommandation pour ce qui est de façon plus répétée. Et le hadith aussi où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le rapport que l'un d'entre vous a avec sa femme, il y a une sadaqa. C'est-à-dire il y a une sadaqa, c'est comme une sadaqa. La personne elle gagne des hasanats, des bonnes actions quand elle le fait. Il y a un verset en vérité qui est encore plus clair que tout ça. C'est le verset qui dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. C'est-à-dire traitez-les, vivez avec elles de façon convenable. Parce que certains savants, surtout dans les ulama du fiqh et des madhahib, certains ils ont donné une limite, ils ont essayé de limiter ça. Ils ont dit par exemple, c'est-à-dire de délimiter combien de fois l'homme il doit faire pour que il soit dans l'obligation. Donc il y en a, ils ont dit une fois tous les 4 mois, d'autres ils ont dit une fois tous les 6 mois, d'autres ils ont dit une fois par an. Mais en réalité, toutes ces paroles qu'ils ont citées, premièrement, elles n'ont pas de preuves, et deuxièmement, c'est pas suffisant pour qu'une femme ses besoins soient accomplis. Donc en réalité, on dit, comme il est dit dans le Coran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Traitez-les et fréquentez-les convenablement. Donc il faut que ce soit fait convenablement. C'est-à-dire autant qu'elle en a besoin et selon les capacités de l'homme. Donc comme on sait que la femme, elle doit se rendre disponible à l'homme, mais l'homme aussi, malgré la fatigue qu'il peut subir au travail ou la fatigue psychologique, il doit penser à ce domaine et pas délaisser sa femme dans ce domaine. Donc ça c'est un haq, ça fait partie des droits de la femme. رابعا حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فيكون حسن الخلق مع زوجته رفيقا بها صابرا على ما يصدر منها محسنا للظن بها قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله والحديث هذا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. طيب نرجع إلى الكلام. قال حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف فيكون حسن الخلق مع زوجته رفيقا بها. وكثير من الناس مع الأسف الشديد يكون حسن الخلق في الخارج مع الأصدقاء ومع الزملاء وإذا راجع إلى البيت يكون سيء الخلق لأنه خارج البيت يجامل الناس لأن معاملة الناس فيه شيء من المجاملة لا تستطيع أن تأتي إلى الناس وتصرح معهم بكل ما في قلبك أو تسبهم أو لا لأنك نوعا ما تخاف منهم. أما البيت والزوجة بين الجدران لا تخاف منها فلذلك في هذا الموقف نرى هل أنت حقيقة حسن الخلق أم لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. لماذا لم يقل خيركم خيركم للناس عموما؟ لأن الإنسان خارج بيته يجامل الناس لا شك فيه يقع في معاملته شيء من المجاملة أما في البيت لا يحتاج أن يجامل وليس معه أحد يراقبه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا حسن خلقه في البيت وإذا لم يره أحد إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه حقا حسن الخلق. أما أن يكون حسن الخلق في الخارج وشيطانا في البيت هذا لا ليس له قيمة وليس العبرة بهذا. فيكون حسن الخلق مع زوجته رفيقا بها يعني غير شديد معها صابرا على ما يصدر منها. وطبعا كل متزوج يعرف قيمة هذا الكلام صابر لما يصدر منها يعني كل متزوج يحتاج إلى صبر لأن المرأة ليست كالرجل. وكذلك فإن المرأة دائما وطول النهار بين الجدران فلذلك أحيانا هي تعيش في حالة ضيقة مما يدفعها أحيانا إلى أن تزعج الرجل وتغضبه. فلذلك على الرجل أن يتوقع مثل هذه المعاملات والتصرفات فيصبر أمامها فيصبر لما قد يصدر من زوجته من الكلام السيء أو غير ذلك محسنا للظن بها عكس ماذا؟ عكس إساءة الظن الذي يفعله كثير من الناس مع الأسف الشديد مع زوجته ومع الناس عموما. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وتجد كثير من الناس يسيء الظن بزوجته زوجته أمام الحاسوب الكمبيوتر ها هي تتكلم مع رجل أجنبي يعني مباشرة يفكر في هذه الأشياء أو هي تقول مثلا أنا سأخرج أزور أختي ويقول في نفسي لا يا سوف تذهب إلى شخص ما أعرفه أو إلى ما أدري إيش. مثل هذه الظنون يجتنبها الإنسان إذا لم يكن لها قرائن. طبعا إذا دلت القرائن على أشياء مذمومة في المرأة هنا نعم جاز لك أن تسيء الظن بها. أما بدون قرائن يعني بدون أساس وأنت تسيء الظن بها هذا عصيان لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Donc quatrièmement, le fait de bien se comporter avec sa femme. Car le verset dit, et fréquentez-les de façon convenable. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon comportement avec sa femme et être doux avec elle. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. En fait, il a dit, li ahlihi. Donc ahl, c'est-à-dire la femme et les enfants. Pourquoi il a précisé avec sa famille ? parce que toute personne, dans sa façon de se comporter dehors avec les gens, elle a un peu de complaisance. Tout le monde lui fait un peu de complaisance. Il ne peut pas toujours être franc avec tout le monde, ou alors se permettre d'insulter les gens, etc., etc. Il y a toujours un minimum de complaisance. Parce qu'il est face, lui il est un homme et il est face à des hommes. Mais quand il est à la maison, il est face à une femme seule entre quatre murs, donc là il peut, s'il veut, l'agresser, il peut faire ce qu'il veut avec elle comme injustice, personne ne va le voir, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dehors, il a honte et il fait de la complaisance. Donc c'est pour ça que celui qui est bon avec sa femme entre quatre murs, c'est celui-là qui est vraiment bon. Mais celui qui est bon dehors, ça c'est facile, tout le monde le fait. Parce que tout le monde, comme on dit, Yahshem, ils ont honte un peu des autres. Donc tout le monde dehors, il est souriant, il est gentil, il est généreux. Mais à la maison, c'est là qu'on va voir si vraiment t'es bien et t'es gentil et t'es généreux. Parce qu'il n'y a personne qui te voit. Tu n'as plus honte de personne à part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ils disent ici, il faut être patient avec ce qui peut venir de sa femme. Toute personne mariée, elle sait que la femme, elle demande à ce qu'on patiente beaucoup. Des fois elle parle mal, des fois elle est énervée, des fois elle peut désobéir, etc. Mais il ne faut pas s'en prendre à elle à chaque fois pour tout ce qu'elle fait. Mais il faut patienter un minimum sur les nuisances qui peuvent venir de la femme. Et il faut toujours se rappeler que la femme, elle est la plupart du temps à la maison, donc ce n'est pas évident pour elle. Et aussi que quand elle sort, elle doit se voiler de la tête aux pieds. Donc elle est dans des situations qui parfois, ouais, elle est souvent seule. Donc c'est pour ça que parfois elle peut s'énerver une fois que toi t'es en face d'elle et c'est là qu'elle se lâche. Et des fois elle va se défouler sur toi. Elle va te mettre en colère, etc. Donc il faut remettre les choses dans son contexte et il faut s'y attendre avant qu'elle le fasse pour patienter. Ça ne veut pas dire qu'on la laisse nous marcher dessus. Absolument, ça bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut patienter sur ce qu'elle fait comme nuisance. Et aussi il dit il faut penser du bien d'elle. C'est-à-dire, il ne faut pas la soupçonner. Et Allah nous a dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, écartez-vous de la plupart des présomptions, car une partie des présomptions sont un péché. » C'est quoi un van ? C'est de penser quelque chose. Je pense qu'elle fait ça, je pense qu'elle dit ça, je pense qu'elle va bien faire. Donc il faut pas se forcer à penser du bien de sa femme. Et malheureusement, la plupart des gens, ils font le contraire. Parce que c'est une femme, tout de suite... Donc ça, c'est quelque chose d'important pour préserver un couple. Parce que combien aussi on a vu des couples chez qui ça va mal, juste à cause des soupçons. Ou parfois, par exemple, la femme, elle sort couverte de la tête aux pieds et il lui dit « Ah, tout le monde dit mat, etc. Tout le monde te regarde, subhanallah. » Déjà qu'elle s'est voilée comme Allah lui demande, mais en plus, elle n'est pas responsable de ce que les gens y font. Si elle baisse les yeux, etc., comme toi, normalement, tu es censé les baisser. Donc il y a beaucoup de couples chez qui ça va mal à cause de ça, et aussi les femmes elles le font avec leur mari. Elles pensent du mal de lui, qu'est-ce que t'as fait quand t'es sorti, etc., etc. خامسا العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع يعني إلا في تسع ماذا إلا في تسع ليالي تسع نسوة تسع ليالي ما معنى ذلك لكل امرأة ليلة فكان يعدل بينهم لا يعطي هذه ليلتين وهذه ثلاث وهذه واحدة وإنما يعطي لكل واحدة ليلة يمضيها معها. وهذا الحديث في صحيح مسلم. Cinquièmement, c'est l'équité entre ces femmes dans les nuits qui passent avec elles et dans les dépenses pour celui qui a plusieurs femmes. Donc le verset dit, si vous craignez de ne pas être équitable, alors ne prenez qu'une femme. فواحدةً. Et Anas radiallahu anhu disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 9 femmes, et lorsqu'il partageait ses nuits entre elles, il ne revenait pas à la première avant 9 jours, si ce n'est après 9 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en 9 jours, 9 nuits plutôt, il a visité ses 9 femmes. Donc ça fait qu'il donnait bien une nuit à chacune de ses femmes. Il alternait. Une nuit, il dort chez elle, une nuit, il dort chez l'autre, etc. Donc, il donne autant de nuits à ses femmes les unes aux autres. Donc, c'est pas qu'il donne trois nuits à une telle, deux nuits à l'autre, une nuit à l'autre. Sauf, bien sûr, avec leur permission et en s'arrangeant avec elles, ça c'est autre chose. Mais la base, c'est l'équité. C'est-à-dire qu'il doit donner, s'il a deux femmes, eh bien, il dort chez elles autant de nuits, chez l'une que chez l'autre. Il passe le lundi, la nuit du lundi là-bas, la nuit du mardi là-bas, le mercredi il revient, c'est la première, etc., etc. Il faut qu'il soit équitable. Et également dans ses dépenses. Il ne doit pas en gâter une et en laisser une comme une pauvre. Il doit, avec son argent, être équitable dans la façon dont il dépense, dans la nourriture, dans les vêtements, etc., etc., avec sa femme et l'autre. C'est pour ceux qui ont plusieurs femmes. Quelqu'un qui a plusieurs femmes aussi ? Il va pas le dire, hein? Déjà une seule, des fois, déjà une seule, c'est. Non, barakallahu fik. Je suis sûr qu'il y en a là, mais ils veulent pas le dire. Hein? Il y en a, mais ils veulent pas le dire. Les anciens. Alors, thaniyan, on devient sérieux. Thaniyan, huquq az-zawj. Donc maintenant, il va parler des droits de l'époux, des droits de l'homme. Wa haqq az-zawj 'ala zawjatihi أعظم من حقها عليه لقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. هذا الحديث في سنن ابن ماجة وكذلك رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن حقوق الزوج على زوجته. يعني نترجم. Ensuite il parle maintenant des droits de l'époux. Donc il dit le droit de l'époux est plus grand que le droit de l'épouse, car il est dit dans le Coran et les hommes ont un degré au-dessus des femmes. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Et la femme ne remplira pas ses devoirs avec Allah tout entier tant qu'elle ne remplira pas tous ses devoirs envers son mari. Ça s'est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Wa min huquqi zawji ala zawjatihi awwalan hifdhu sirrihi wa adamu ifsha'ihi li ahad liqawlihi ta'ala فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني الزوجة تحفظ أسرار زوجه ولا تفشي أسراره لصديقاتها أو قريباتها أو غير ذلك لقوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله. Donc premièrement, dans le premier droit de l'époux, c'est que la femme doit préserver ses secrets et son intimité et ne pas dévoiler ses secrets aux autres. Donc elle ne doit pas, par exemple, parler des secrets de son mari à ses copines, aux femmes de sa famille, etc. Mais elle doit tout garder pour elle. Donc le verset dit, les femmes vertueuses sont obéissantes et hafidhatun lil-ghayb, c'est-à-dire elles préservent et elles gardent ce qui est caché. Thaniyan, wujub ta'atihi fil ma'ruf li qawlihi ta'ala ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. والطاعة في ماذا؟ في المعروف يعني في الخير وفي الحلال وفيما تعارف عليه الناس. Deuxièmement, l'obéissance convenable à son mari. Car le verset dit, les hommes sont qawwamun, sont prioritaires ou sont au-dessus des femmes. Donc bien sûr ici, encore une fois, on a dit bil ma'ruf. C'est-à-dire qu'elle lui obéit dans le bien, elle lui obéit dans les choses qui sont licites, et elle lui obéit dans ce qui est convenable. Si par exemple il dit à sa femme, aujourd'hui j'ai des invités, alors cuisine un plat, et il lui fait cuisiner un plat fatigant, etc., pendant 2 heures, et le lendemain il lui ramène encore des invités et il lui ordonne, et le lendemain encore, est-ce que ça c'est le ma'rouf? Ça c'est pas le ma'rouf. Donc à ce moment là elle est plus obligée de lui obéir. Donc certes la femme elle doit obéir à son homme, à son mari, mais ça a une limite. La limite, c'est le ma'rouf. Et celui qui veut plus de détails, par exemple, il peut lire dans Al-Sharh Al-Mumti' de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il a cité beaucoup de choses dont nous on croit habituellement que la femme elle doit obéir à son mari dans ces domaines là et il a dit il a cité plusieurs choses et il a dit à chaque fois elle n'est pas obligée de lui obéir dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Donc dans les choses qui sont au-dessus de ce qui est raisonnable et de ce qui est convenable. Et encore pire, si la chose elle est interdite. Comme par exemple, maintenant il y en a plein qui disent à leur femme d'enlever le hijab. Ou alors d'aller travailler. Et dans leur travail, elles sont mélangées avec des hommes. Ou alors elles ne peuvent pas garder le hijab. Donc là, dans ce genre de cas, la femme elle ne doit pas obéir à son homme. Elle doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'heure de la salat ou pas là? C'est à quelle heure? 23. C'est à 23. Donc dans 2 minutes, on fait la prière, Inch'Allah. 23, c'est passé déjà, il 30. Ouais, 23, c'est l'aven, mais à chaque fois, on fait 10 minutes en plus dans cette verse. Donc je rajoute encore 2 minutes. Thalithan, tamkinuhu min nafsiha idha da'aha ila firashihi. Ma lam yakun hunaka mani'un shari'i li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يعني هذا وعيد شديد للمرأة إذا أبت أن تجيء إلى فراش زوجها إذا دعاها إليه وهذا يسبب مشاكل كثيرة جدا وبعض النساء لا يخافن الله سبحانه وتعالى في هذا المجال مع أن كثيرا منهن يعرفن هذا الحديث ولكن مع معرفتهن لهذا الحديث لا يراعين هذا الحديث ويعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تأتيه وأن تسلم نفسها إلا لسبب وعذر شرعي كالمرض أو الحيض لأن الحيض لا يجوز فيه الجماع أما في غير هذه الأحوال فيجب عليها ولا تبحث عن أعذار ولا تسعى مع زوجها حتى يسقط حقه هذا كله مما يسبب المشاكل ومما يدفع كثيرا من الرجال إلى الزنا لأن الرجل لا سيما مع الفتن التي تجري وتورى في هذا الزمان وفي هذا المكان إذا لم يكن لديه زوجة تسلم نفسها إياه إذا احتاج إليها فكيف يفعل وإلى أين يذهب فإما أن يتقي الله ويصبر وإما إذا استمرت الحال على هذا الوصف أنه سوف يبعث عن غيرها إما في الحلال وإما مع الأسف الشديد في الحرام وهذا يقع مع الأسف الشديد بكثرة وكم من الإخوة يشتكون يعني من الرجال المسلمين يشتكون من ذلك هم يرغبون في الجماع ولكن الزوجة تأبى فلتعلم هذه الزوجة أنها ملعونة بلعنة الملائكة واللعنة ما معناها أن الملائكة يطلبون من الله أن يطردها من رحمته سبحانه وتعالى. Troisièmement, c'est que la femme doit se donner disponible à son mari quand il l'appelle dans son lit, c'est-à-dire pour avoir des rapports avec elle. Sauf s'il y a une excuse ou un empêchement valable, comme par exemple si elle est en période de règles ou si elle a une maladie qui l'empêche ou de faire ça, ou qui rend ça difficile, ou qui la fait souffrir. En dehors de ça, elle doit se rendre disponible à son mari. Car le hadith dit, lorsqu'un homme appelle sa femme dans son lit, et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle... حتى تصبح, c'est-à-dire jusqu'au matin. Et quand on dit les anges la maudissent, c'est-à-dire qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter de sa miséricorde. Donc cette femme, elle est maudite, celle qui fait ça. Et c'est très grave. Donc c'est un grand péché, puisque ça mérite al-la'na. Et il ne faut pas que la femme, elle essaye de faire céder son mari. C'est-à-dire qu'elle donne des excuses ou elle insiste avec lui jusqu'à ce qu'il dise c'est plus la peine. Parce qu'en vérité, ça c'est une hila, c'est une ruse. Et la fin c'est la même, c'est qu'elle n'a pas voulu se rendre disponible à son mari. Donc il faut savoir que si la femme elle ne veut pas être la cause que son mari fasse zina, la fornication, ou fasse toutes les introductions de zina, comme les rendez-vous ou le fait de regarder les femmes dehors, si elle ne veut pas être la cause de ça, eh bien elle doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a ordonné de se rendre disponible à son mari. Et elle ne doit pas chercher des moyens de faire céder son mari en lui prenant la tête, comme on dit, avec des paroles. Par exemple, il l'appelle et elle se met à parler en disant en toutes sortes d'excuses ou de prétextes jusqu'à ce que lui il laisse tomber. Alors qu'il voulait toujours. Ou alors, il y a d'autres choses aussi, mais qu'on ne va pas décrire par respect pour la mosquée et pour les gens de la mosquée, que malheureusement on entend que les femmes elles font. Eh bien, cette femme, qu'elle sache qu'elle est mal'ouna, elle est maudite lorsqu'elle fait ça, et elle aide, elle sera une cause pour az-zina, pour la fornication de son mari, si jamais il tombe dedans. Parce que soit il va patienter, ou soit au bout d'un moment il va craquer, et s'il craque, eh bien, soit il va aller chercher une deuxième femme, sachant que la plupart du temps elle ne veut pas, alors elle l'empêche, mais non plus elle ne le satisfait pas, ou soit il va aller chercher, s'il ne peut pas, bal haram. Donc elle aura été le déclencheur et la cause pour ça. Donc après l'Isha, on continuera. Barakallahu fikoum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.